olho tudo laçado. Happy. Pour déchirer, pour déchirer, pour déchirer.

maldinho, de rufa no pedra, nunca vi eu de mãe. Mille sorties ont bien en l'eau. Ces messieurs dans la fin confiance. Oh oh oh, vont nous serrer les coudes. Pour les sorties, mais sans sauver. Garde à présent nous disperser. C'est division pour mieux régner. Yeah.

Touchez-moi.

regardez bien, réfléchis un bon moment, et puis mettez-vous en affaire. Pour sentir que ça agit, pas garder sa voix et fait, couper à l'effet même vite, maman, papa, bon, on l'esprit. Mettez pour couper le travail, désir pour garder, on l'esprit pour réfléchir, allons demain, c'est pour agir. Mettez pour couper le travail, désir pour garder, on l'esprit pour réfléchir, allons demain, c'est pour agir. Mettez pour couper le travail.

Viens lever. Thank you. qui mène nous y est là. Déchiré. Des manières nous camacher. Déchiré. Benaka. Déchiré. Des manières nous cabrener. Déchiré. Benaka là. Déchiré. Tout pour non. Déchiré. Déchiré. Yéba. Pas facile, ça vient que c'est l'homme qui toujours devant. sorti, la bijé la si vous ka sorti, la bijé la si vous ka sorti. Mama la da, me malada. Mama la da, me malada. Oh, allez dormir, dormir de hola. Mama la da, me malada. Mama la da, me malada. La bijé la si vous ka, la bijé la si vous ka sorti. La c'est vous qu'a sorti, le bijé là c'est vous qu'a sorti. Mama la la, comme ma la la. Mama la la, comme ma la la. Oh, allez dormir, dormir de là. Mama la la, comme ma la la. Mama la la, comme ma la la. Thank you. Tchau, tchau.